Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. Donc voici les principaux titres. Des experts de l'ONU s'alarment qu'il y a une répression des ONG au Burundi. Dans un communiqué, ces experts parlent de la récente suspension provisoire des organisations de la société civile. Par rapport à ce communiqué, le ministre des Droits de l'Homme dit que le Burundi est souverain pour prendre ses décisions. Les déchirements au sein du CNARED ont des conséquences sur le déroulement du dialogue inter-burundais extérieur. C'est le point de vue d'un analyste politique. Kaver Sengiyumva estime que les intérêts de la nation doivent primer sur les intérêts des politiciens. Et 30 ans de prison et une amende de 53 millions, c'est la peine prononcée à l'encontre d'un violeur de cet enfant à Gitega. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio. Nous ouvrons ce journal sur la page Droits de l'Homme. Et bien des experts de l'ONU tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'ils qualifient de répression croissante des ONG et des défenseurs des droits humains au Burundi. Dans un communiqué, ces experts condamnent la récente interdiction et la suspension provisoire d'un certain nombre d'organisations de la société civile et mettent en garde contre les faits restrictifs et stigmatisants de la législation récente des ONG dans un contexte de répression croissante des défenseurs des droits humains. Dans ce communiqué sorti lundi, les experts de l'ONU rappellent la radiation le 19 octobre 2016 de 5 organisations de la société civile. La 6e, à savoir la Ligue des droits de l'homme, ITK, a subi le même sort en décembre. 4 autres ont été provisoirement suspendues selon encore le communiqué. Toujours en décembre, l'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi visant à contrôler étroitement l'action des ONG locales et internationales. Le travail des ONG étrangères devra également respecter les priorités fixées par le gouvernement, renchérit le communiqué. En croire aussi les experts de l'ONU, les dernières mesures prises par le gouvernement contre la société civile étaient alarmantes compte tenu de la situation générale des défenseurs des droits humains dans le pays. Pour eux, cette situation s'est considérablement détériorée depuis plus d'un an et demi. Ces experts attirent l'attention du gouvernement sur les allégations concernant une augmentation de cas de disparition forcée sur la base de rapports non confirmés indiquant plus de 60 cas au cours des 2 derniers mois de l'année 2016. Les rapporteurs spéciaux demandent aux autorités burundaises de réviser la nouvelle législation sur les ONG en vue d'assurer le respect du droit international et des normes internationales afin de prévenir les conséquences néfastes sur le travail mené par des centaines d'organisations et de défenseurs des droits humains. Ils exhortaient le gouvernement burundais à mettre fin au climat d'impunité observé dans le pays et à coopérer avec la commission d'enquête sur le Burundi ainsi qu'avec le Haut Commissariat de manière positive et collaborative. Merci à Léon Sévitaliho. Par rapport au contenu de ce communiqué des experts de l'ONU, le ministre des Droits de l'Homme, Martin Ivyabandi, dit que la réglementation sur la gestion des ONG nationales et internationales est du ressort des autorités nationales et que chaque État est souverain sur la façon de prendre des décisions. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Dorine Ndayirorere. La réponse qu'on devrait donner, c'est de savoir que chaque État est souverain de pouvoir légiférer, de pouvoir prendre des décisions sur la façon dont il organise la société. Vous le savez, une organisation, surtout une ONG, vous demandez votre agrément et vous vous engagez un certain nombre de missions qui sont consignées dans le dépôt de votre dossier. Et quand le ministère de l'Intérieur fait la comparaison, fait son analyse et trouve que ce qui est contenu dans les missions de votre organisation, il y a un écart avec ce que vous faites, c'est le terrain, il y prend les décisions. Et aussi, la réglementation sur la gestion des ONG nationales et internationales, c'est une mesure de gestion d'une société. Je pense qu'aucun État responsable de son monde ne pourrait laisser s'installer une certaine anarchie. Il faut une certaine organisation. Quand vous dites qu'on doit connaître que le gouvernement doit être au courant de ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas une restriction de dire que nous allons aller détail par détail, voir ce qui se passe à l'intérieur de la gestion de chaque organisation. Mais il faut qu'on puisse savoir si la destination des fonds est conforme à l'engagement que l'organisation a pris avec le gouvernement. Ces rapporteurs spéciaux demandent au gouvernement de Bujumbura de revoir la nouvelle législation sur les ONG locales et internationales. Serez-vous prêt à le faire? Ce n'est pas aux experts, à ces rapporteurs, de donner une injonction au gouvernement du Burundi de revoir. Quand une loi, peut-être que c'est méconnaître même les procédures d'élaboration d'une loi. Ici, dans notre pays, pour une loi qui concerne plusieurs partenaires, ça passe par beaucoup de travaux. Pour le moment, c'est un gouvernement responsable. Nous avons un parlement responsable. Ce sont des institutions qui ont fait leur travail. Mais c'est quand et quand on trouve qu'il y a des failles. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé des failles. Mais on le ferait. Même s'ils veulent le faire, on ne le ferait pas parce que les rapporteurs le demandent. Pour ce qui concerne le nombre de cas d'enlèvement au cours de deux derniers mois de l'année dernière, le ministre expliquait que le ministère est en train de collecter toutes les données dans toutes les provinces du pays afin de voir la situation réelle de ces cas d'enlèvement. Encore une fois, suivez le ministre Martin Niviabandi. À un certain moment au niveau du gouvernement, la spéculation sur le nombre des morts, des enlèvements, ça nous importait peu. Une personne qui perd sa vie, une personne qui disparaît, c'est une préoccupation pour le gouvernement. Ici, ce que nous disons, on est entré au niveau de notre ministère de collecter toutes les données dans toutes les communes, dans toutes les provinces, et nous allons donner la situation réelle telle qu'elle se présente. Et sinon, nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y avait des cadavres dans certaines régions. Mais ce que nous refusons, c'est que les gens commencent à coller, commencent à identifier l'auteur avant que l'enquête menée par la police, menée par le parquet n'aboutisse. Des cas de violation des droits de l'homme existe. Le Burundi n'est pas un paradis comme d'autres pays. Nous gérons un phénomène extrêmement difficile ces derniers temps où il y a des règlements de compte, mais aussi, nous l'avons vu, où il y avait des gens d'une certaine manière sont manipulés et se lancent dans des actes de violence. Et à un certain moment, il faut relativiser quand nous devons parler de la violation des droits de l'homme, s'il dit que c'est aggravé. Mais par contre, nous voyons qu'il y a une amélioration. La direction générale en charge des droits de l'homme est en train de sillonner le pays pour visiter les prisons. Nous voyons que il y a des mesures qui sont prises pour améliorer les droits de l'homme dans notre pays. Certes, il y a des challenges qui restent pour lesquels nous allons trouver des solutions ensemble avec tous les partenaires de la promotion des droits de l'homme. Martin Niviamandi, il est ministre des Droits de l'Homme. Et sur la page de justice, 30 ans de prison et une amende de 51 millions pour les 17 enfants violés ainsi que 2 millions pour l'école La Bergeronnette de la ville de Gitega et la peine que le tribunal de grande instance de Gitega a infligée à un enseignant, Corneille Munyakindi, ce mardi pour avoir violé ses 17 fillettes dont il enseignait. L'Observatoire pour la lutte contre la criminalité transnationale ONCT ou ton frère dit être satisfait par ce jugement. Le point avec Arthur Kavabushi. Ce procès qui avait mobilisé beaucoup de personnes composant des parents d'élèves et des habitants de la ville de Gitega, le tribunal de grande instance de Gitega a pris la décision de faire le huis clos sur base de l'article 170 du code de procédure pénale, étant donné que c'est un procès qui implique des mineurs de moins de 12 ans, ce qui a plu à plus d'une personne. Comme nous l'avons constaté, Munyakindi Corné, poursuivi dans cette affaire de viol, avait un avocat ainsi que la partie civile constituée par l'école et par les élèves qui, aujourd'hui, à la deuxième comparution, étaient représentés par leurs parents. Maître Prime Mbarubu Keye est le représentant légal de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT en sigle, où est ton frère, qui était venu pour assurer la défense de ses enfants, a fait savoir que la peine de 30 ans de prison, ainsi que 3 millions de dédommagement moral pour chaque enfant, et 2 millions pour l'école à Bergeronnette de dédommagement également, prise par le tribunal de grande instance de Gitega, leur a satisfait. Cependant, même si Corneille Munyakindi a plaidé coupable, il a avoué avoir violé 4 enfants sur les 17. Une autre chose dont il a tenu à souligner est que si ses enfants avaient comparu, ça les stigmatiserait toute leur vie, alors que cela entre parmi les facteurs favorisant le trafic d'êtres humains. Ce procès qui a débuté vers 11h50, s'est clôturé vers 15h et que le jugement rendu a plu aux personnes qui étaient présentes. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sur la page politique, les déchirements qui s'observent au sein du Sénared peuvent avoir des répercussions sur le dialogue qui est dirigé par le facilitateur Benjamin Moukapa. Cela est dit par Pierre Claver Nsengiyumva, analyste politique. Il indique que l'intérêt de la nation devrait primer sur toute autre ambition des politiciens burundais. Suivez Pierre Claver Nsengiyumva au micro d'Alida Ndaikeza. On est au seuil d'une grande rupture aujourd'hui au sein du Sénared. Il y a des partis politiques qui considèrent que la ligne qui est suivie par le Sénared n'est plus conforme à leurs intérêts. Ils prennent les décisions qu'ils jugent nécessaires au niveau de leur parti. Je crois que c'est leur droit. Seulement, il faut déplorer le fait que cela nous contribue encore une fois à fragiliser le processus de paix. Et ça montre aussi que la médiation va beaucoup jouer sur ces divisions. Le médiateur a été choisi par l'EAC. La communauté est-africaine a un point de vue, même si ce n'est pas officiel. On voit très bien que le médiateur est en train d'appliquer probablement certaines recommandations qui sont formulées par les chefs d'État de la communauté est-africaine. Donc je crois que pour le Burundi, il faut vraiment beaucoup de sagesse et voir quel est l'intérêt des Burundais, que ce soit au niveau du Sénared, des partis qui se désistent aujourd'hui au sein du Sénared, bien même au niveau du parti au pouvoir au Burundi et des partis qui lui sont fidèles. Même si on n'est pas d'accord à 100%, il faut savoir qu'il y a moyen de cheminer vers une certaine convergence où l'intérêt général doit primer. C'était Pierre Claver Nsengiyumva, analyste politique. Et sur la page commerce, certains commerçants et autorités continuent à spéculer sur le sucre et profiter de ce produit. Le président de l'association Parsem qui fait ce constat s'inquiète de la pénurie du sucre alors que le ministère du commerce ne cesse de dire que la production est suffisante. Selon Faustin Dikoumana, 5 ministères, dont celui de la bonne gouvernance, doivent s'impliquer pour trouver solution à ce problème. On l'écoute. D'abord, cette duplicité du haut niveau de la communication du gouvernement montre quelque chose de louche. Mais si la ministre a affirmé que la production est suffisante, on prend acte. Il est où? Ça veut dire que quelque part, il y a une fraude. Quelque part, il y a une spéculation des commerçants qui veulent profiter de cette situation. Parce qu'à chaque fois que le gouvernement met une taxe, des fois sur un produit stratégique, il y a des spéculations quelquefois. Dans le budget 2016, la taxe sur le sucre était de 400 francs. Maintenant, elle est à 600. Dès qu'on l'a mis à 600, attention, que ça ne soit pas une occasion déjà de spéculer. Alors, si l'association a besoin de devises, on s'imagine que le gouvernement devrait prendre l'association comme une entreprise stratégique. À l'instar de la Braroudi, à l'instar de ce qui importe le pyrocarburant. Et si et la situation elle est comme elle est aujourd'hui, nous disons qu'il y a une véritable collision entre certains opérateurs économiques, certains commerçants et les agents de l'administration. Ça, c'est visible. Une collision qui est en train de donner des profits exagérés à certains. Donc, la capacité est exagérée. C'est le gouvernement qui doit protéger, qui devait protéger le peuple contre ces agissements. Nous lançons un appel à ces 4 ministres, même 5, même le celui de la justice serait concerné. Il y a l'intérieur, la sécurité publique, bonne gouvernance, commerce et industrie et de la justice. Parce que les institutions sont là. Est-ce qu'elles sont paralysées? Sinon, très prochainement, on va faire nos investigations. Si on commence à épingler les uns et les autres, il ne faut pas dire qu'on est en train de dénoncer à la radio des choses et pour salir les uns et les autres. Je dois dire qu'il faut la redevabilité. Il faut venir communiquer, donner des réponses par rapport à cela. C'était Faustin Dikoumana, il est président de la Parsem. La Banque africaine de développement BAD annonce avoir accordé un don de 18,63 millions de dollars au Burundi. Ce financement est destiné au bitumage de la route nationale 18, un important axe routier reliant la capitale Bujumbura aux régions centre-est du pays, lit-on dans un communiqué de la BAD rendu public mercredi 1er février. Cet accord, selon l'institution panafricaine, vise à faciliter la circulation entre les régions du pays et favoriser l'essor économique des zones les plus isolées. C'est aussi pour assurer une cohésion sociale afin de lutter contre la pauvreté et prévenir de nouvelles crises. Les tronçons financés par la banque relient la localité Kibumbu à Gitega, la deuxième ville du pays, et complètent les travaux d'aménagement et le bitumage de la route nationale 18 Nyakararo-Mwaro-Gitega, engagée en 2014 à travers un premier financement. Et sur la page sécurité, un homme du nom de Gaspard Nahisha Kie, du village Ragazan, nous sommes en commune mine Gihanga de la province de Bubanza a été cette nuit grièvement blessé à la machette. La victime a été agressée par le fils de sa concubine quand ils l'ont trouvée avec leur mère dans leur maison. Dans la même province, le corps d'un certain Nyoyagi a été trouvé ce lundi suspendu sur une corde à la colline Boutembe de la commune Manda. Sa famille indique qu'elle ignore les circonstances de sa mort et précise qu'il souffrait d'une longue maladie. Et 6 personnes des zones Rukaramu et Warubondo de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, ont été emportées par un groupe de voleurs armés. C'était lors de 2 attaques survenues dans la nuit de ce dimanche. Selon la police, ces personnes étaient des collaborateurs de ce groupe parce qu'elles étaient recherchées par la police. Dans la première attaque qui a eu lieu en zone Rukaramu, des personnes parmi ces voleurs ont été tuées, tandis qu'en zone Warubondo, ces malfaiteurs ont pu voler 60 kilos de farine de manioc et entre-temps, les agents de sécurité ont empêché ces voleurs. Un de ces voleurs blessé qui a été arrêté par les agents de sécurité a indiqué qu'ils sont dans le groupe des rebelles dirigés par un certain Zaba Mema et qu'ils ont des collaborateurs à Gatumba. Nous devons cette information au porte-parole de la police, Pierre Murikiye. Des jeunes qui veulent se marier en province Muyinga doivent désormais remplir certaines conditions de le port des chaussures et la possession d'une habitation décente ainsi qu'un matelas. Aline Manilabalusha, gouverneur de la province Muyinga, qui a pris ces mesures, indique qu'un garçon non préparé pour fonder un ménage n'a qu'à patienter. Correspondance signée Dieudonné Nzeiman. Pour fonder un foyer, le jeune homme doit se préparer et au préalable avoir un minimum de biens, selon Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga. Une habitation décente, un matelas. Le garçon qui n'aura pas encore rempli certaines conditions ne sera pas encore mûr pour fonder son foyer et devra absolument patienter. Autre souhait du gouverneur de la province Muyinga, l'amélioration de l'hygiène dans l'habillement et dans la salubrité des habitations. Chaque citoyen devrait au moins porter des chaussures dites yebo yebo. Certains des jeunes qui ont entendu ces propos du gouverneur lors de son discours à l'occasion de la célébration du 26e anniversaire de la proclamation de la charte de l'unité nationale indique qu'une telle politique va contraindre des jeunes à demeurer célibataires. Et pour ceux qui ont grandi vers les années 80, c'est une stratégie de pousser les jeunes à avoir un minimum avant de fonder le ménage. Une politique qui a été en vigueur sous la 2e République, le garçon devait montrer une plantation de café, des champs de manioc ou de patates douces avant de se présenter à l'état civil. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique. Dans la chronique de ce mardi, nous allons vous parler du lait maternel qui a une grande importance pour la santé du bébé. Et quant à l'allaitement, il procure de la joie à la mère et la protège de certaines maladies. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Clarine Hunuziza, qui est une suite de la première partie que nous vous avons offerte mardi dernier. Comme nous l'avons dit dans la chronique précédente, pendant la période d'allaitement, la mère et l'enfant sont complémentaires. D'après docteur pédiatre Amélie Dumbéré, non seulement le bébé est en bonne santé, mais aussi protège la mère, surtout de la dépression. En allaitant, la mère sécrète la prolactine, dont le rôle, un des rôles, c'est de relaxer la mère. Donc, quand la mère est bien relaxée, il y a moins de risques plus tard qu'elle développe une dépression mentale. Parce qu'on l'a déjà expérimenté, les mères qui allaitent bien leur bébé développent moins de dépression mentale par rapport aux mères qui n'ont pas allaité leur bébé. Un allaitement efficace doit durer entre 15 et 30 minutes et pas moins de 6 fois par jour. D'après Dr Amélie, une mère qui a eu un tel allaitement ne sera pas exposée au cancer du sein. Parce qu'une mère qui accouche et qui n'allaite pas alors que la prolactine est là, cela provoque un désordre hormonal en elle-même. Et ça provoque, on l'a déjà vu, le cancer du sein. Je ne dis pas que les mères qui ont allaité ne font jamais de cancer du sein, mais celles qui accouchent et qui n'allaitent pas font plus de cancer. Les études l'ont bien montré. Et ça prévient aussi les cancers au niveau des organes génitaux. Parce qu'une mère qui allaite, les hormones qui provoquent la conception se mettent au repos à cause de la prolactine. Parce que la prolactine domine. Et quand la prolactine domine, la sécrétion du reste des anticorps s'arrête. Et du coup, la mère est au repos. Aussi, cela prévient le cancer des organes génitaux au niveau des ovaires, au niveau de l'utérus. Par rapport au diabète, la mère qui allaite bien son bébé a moins de risques de développer le diabète par rapport aux mères qui n'allaitent pas. Parce que toutes les hormones sont hyperglycémiantes, sauf l'insuline. Alors, quand les hormones de l'allaitement se mettent en marche et que la mère n'allaite pas, la mère risque de développer une hyperglycémie. Pour les mères qui doivent reprendre le travail, le lait peut être conservé dans un gobelet pendant 6 heures à une température ambiante. La mère peut exprimer son lait et le conserver dans un gobelet. Et la nourrice peut aider à donner le lait quand la mère n'est pas là. Et j'en profite pour dire qu'un lait exprimé peut être laissé à la température ambiante pendant 6 heures sans que le lait soit altéré. On peut le conserver aussi au frigo. Bien sûr, une fois sorti du frigo, il ne faut pas le remettre. La pédiatre Amélie Nijimbere termine en disant qu'une mère allaitante doit être soutenue, surtout par sa famille, pour réussir son allaitement. Elle doit aussi bien manger et surtout boire pour deux. Merci à Clarine Nkunziza pour cette chronique santé. Une information qui vient de nous parvenir. L'ambassade du Japon vient d'accorder ce mardi un financement qui s'élève à 105 382 dollars américains à la Croix-Rouge du Burundi pour la réhabilitation et l'extension d'une adduction d'eau potable en province de Kayanza. Ce projet vise à réhabiliter et à étendre le système d'adduction dans les communes Garombo et Muhanga, améliorera le niveau de vie de la population dans ces communes. C'est ce que nous lisons dans un communiqué de presse de l'ambassade du Japon au Burundi sorti ce mardi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.